un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. Je n'ai pas trop d'amis, regardez en classe, c'est pas l'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul, et personne à qui le dire. C'est pas le pire. Quand la pause arrive, je ne suis pas tranquille, il faut que je m'éclipse. Ou alors, accuser les coups ou dehors, il faudra que je cours. Tous les jours, faudra-t-il que je cours jusqu'au bout. Je n'ai plus de souffle, je veux que l'on m'écoute. Pour m'en sortir, je dois tenir et construire mon futur. Partir à la conquête d'une vie moins dure. Sûr que c'est pas gagné, mais j'assure mes arrières. Pour connaître l'amour et le monde, faudra que je cours. Tous les jours, faudra-t-il que je cours jusqu'au bout. Pour connaître le monde et l'amour, faudra que je cours. Je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Je voudrais m'arrêter.